100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool. 100% rap français avec monsieur Niska qui est là. Ouais. Ça va? Ouais, ça va et toi, frère? Pas trop rude cette semaine? Non. Je sais qu'il y a du boulot en ce moment, ça taffe. Hein. Toujours, toujours. Entre évidemment la sortie du projet, c'est le 2 octobre. Bon, ça a priori c'est fini, non? Ouais, le projet est bouclé, ça y est. Le projet est sorti maintenant. Allez, c'est le 2 octobre, à pas louper. Le 2 octobre, le 2. Donc c'est quoi pour toi? C'est plutôt une carte de visite, présentation, c'est pas encore un album? Exactement. Ouais, c'est une présentation, mais on peut le considérer comme un album. Donc ce sera le 2 octobre, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Ce soir, on va mettre plein de sons de Niska. C'est toi qui fais la programmation pendant une bonne heure sur Skyrock. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un clip qui est arrivé aujourd'hui. Ouais. Nouveau clip de Niska? Ouais, un nouveau clip, Ochoa. Ochoa qui est sorti aujourd'hui à 18h. Donc Ochoa, vous pouvez cliquer, on mettra aussi le morceau tout à l'heure. Peut-être même que tu nous le feras en live. Ouais, pourquoi pas, c'est mieux même. Si t'es en forme. Ouais. Allez, on attaque tout de suite. Ouais. Sélection de Niska. On débute avec un morceau qui s'appelle Matuidi Charo. Ça, celui-ci, il a été commenté, vu, recommenté, rentré dans le domaine sportif. Ouais. C'est ce qu'on écoute maintenant avec Niska sur Skyrock. Coup d'envoi de la nocturne. Bye bye. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Lunettes teintées, phare xénon, vitre teintée. Bender, j'partais au charbon. Oui. Ces biches portent blindées. J'encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'arbois toujours les mains gantées. Oui. J'arbois toujours les mains gantées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Oh, oui, oui, oui. Elle prend pas le cul, elle veut pas se régater le clito. Le bendo na bendo. Tosse comme un charo. Oui. Petit, niggas à l'enquêto. Niggas à l'enquêto. Donne-moi le tarot. J'vais pas te rase pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Oui. Et bendo, Mathieu dit charo. Maintenant, t'as même le teint rose. T'as même le teint rose. On paye pour qu'on t'arrose. Pour qu'on t'arrose. Rafikanté et la parole. Rafikanté et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Plan A, je vais plomber. Ou comme la B, je vais planter. Je commence seulement. Moi, tu dis rock. On a la talement. Dans la rue, ça t'allume brutalement. On démarre en véhicule allemand. Allemand. Tu tires apparemment. Allemand. Tu fais ça choralement. Allemand. Pourquoi tu cries, mon grand? Tiens. Vas-y, prends un calmant. Auto, je suis yombe. Pour tous les frères qui tombent. Demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon ombre. J'suis barbu, j'pose pas de bombe, j'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de Zeyo, donc je le braque. Faut bendo hélico, gros y'a la bac. Faut viser comme Nico, j'ai changé de bois. NS en hélico, j'suis en jetpack. On veut des sous comme au loto. Pas de peine blanchée, pas de toto. Poto, pied blanché dans l'auto. On est les best, y'a pas fait tout. C'est de l'argent qui t'a condition. Protège la mufle. Et qui veut faire ardent feu comme un lacan. On sait faire la guerre comme des sauvages. Cuit comme des bisous, du cognac. Bibi des trollis sont gros face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des Tana, des squads. J'fais mes doha. Hola amiga, amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, quitte à dépenser. Attaque à la marche comme un Roubaix. Koutou, koutou, koutou. J'te mets les trois points comme Jordan et Boula. Allumé, manque de potes, tu vas t'as touché. Tu dis charo, milieu de terrain. Moi tu dis charo, même les diagonales. Moi tu dis charo, les symphonies sales. Moi

chez Ibra en 50 corps. À l'heure où je te parle, je suis devant le mic. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Je suis dans les temps, les dents en argent depuis l'adolescence. Depuis le début, je suis convalescent. Les puristes détestent mes lyrics. Les petits PD me critiquent. Mais comment on fait ci, mais comment on fait ça. Mais comment fait-il, Hugo, quels sont ces gris-gris. Le game, voilà, je connais. Depuis tu peux entourer de gros bonnets. Tu connais, frère, je reconnais. J'ai appris à faire de la monnaie. J'ai appris à faire de la monnaie. Je contrôle la neuseau comme Jamin. Trace de sperme sur mon pyjama. J'ai Jamin tapé la gamelle. Pourtant, je vole depuis gamin. Chamin, connu l'intérim. Pourtant je roule dans des gamos. Charlie, Vatos, Locos. Dorénavant c'est moi le patron. Charlie, Delta, Charlie. Pourtant c'est que t'avances pas trop. William Coma à la réa. Tu chez Ibra au 50K. À l'heure où je te parle, je suis devant le mic. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Dédicace à tout mon 91. On est là. On contrôle. Comme Jaja. C'est la nocturne avec Niska au contrôle de la nocturne 100% rap français. Ce morceau qui s'appelle Murder à l'instant sur ouais, Skyrock. Une petite dédicace en effet au 9-1. C'est là d'où tu viens. Ouais. C'est le berceau justement. D'ailleurs, c'était quoi les musiques qui t'ont bercé toi dans le rap, Niska? Les musiques qui m'ont bercé dans ouais, le rap. Les premières grosses claques dont tu te souviens dans le rap. Là de tête là je pourrais même pas te dire en vrai hein, parce qu'il y en a tellement. J'en ai écouté tellement en même temps que je sais même pas. D'accord. Pas en particulier qui te vient en tête. 91 Super Tug. Ah ok. LMC Click. LMC Click. Donc ouais. Ça c'est l'équipe du 91. Voilà. Bon et puis il y a le projet donc, de Niska maintenant qui arrive dans les bacs le 2 octobre. Il y a la précommande, ça marche fort, hein. T'as vu en précommande? Ouais j'ai vu ça, ça fait plaisir. Ouais donc le projet qui arrive. Qui est là en précommande, qui est disponible à partir d'aujourd'hui 11 septembre, tu vois. Et qui est à prix réduit, on va dire, jusqu'au ouais, 2 ça. octobre. C'est ça, faut en profiter parce que là, c'est les soldes, faut faire les soldes quoi. Les soldes ont déjà commencé. Voilà, ont déjà commencé. Donc je crois qu'il est à 7,99 au lieu de 9,99. Donc faut profiter. Quoi. Donc ça veut dire qu'à partir du 2 octobre, il sera à 9,99. Voilà, exactement. Faut cliquer dès maintenant. Voilà, exactement. Faites tout exploser. Il sortira aussi en CD, Niska. On pourra. Ouais, bien sûr, il sortira. Pour ceux qui aiment bien l'objet, pour ceux qui aiment la voix. Ouais, exactement. Et pour tous ceux qui vont acheter l'album, sachez que ceux qui précommandent à partir d'aujourd'hui, le 21, lundi 21, vous recevrez directement sur iTunes le son Mathieu Dicharo. Mathieu Dicharo le 21 et la semaine d'après ils recevront directement Mama en exclusivité avant. Donc vous le prenez maintenant et vous avez des morceaux qui arrivent au fur et à mesure avant d'avoir l'intégralité du projet le 2 octobre. Niska au contrôle de la nocturne, on est reparti pour une sélection de sons. On va vers où Niska maintenant? Bah là on va donner la force un peu à un frère à moi qui habite à côté de chez moi, Grigny. On va enchaîner avec le son Beta de Hollywood. C'est la nocturne 100% rap français, c'est Niska au contrôle. Je suis un bougre du game. okay. Les bailleux, les bailleux, tout pour la maille. Charbon, flambeau, rien qu'on enchaîne. Tu trouves le sommeil, dors à l'hosto auprès d'une infirmière. Je suis pas du bétail, les gros des temps modernes portent encore mes chaînes. Les mains sales, non conformes à l'hygiène. Comme ta chaîne, libérable, on boit à la tienne. Pour mes frères d'âme, les vrais qu'on enferme. T'es criblé, t'es criblé, t'es criblé. L'argent motive à être sur le terrain. J'ai dribblé, j'ai dribblé, j'ai dribblé. Billet, l'enfer est si proche, je veux pas mon billet. Billet, de toutes les couleurs, je vais tous les trier. Dédicace à Griné. Ouais, ouais. Griné 2. Bye. Griné, grande bande. On est al. Bye. Ouais, mon 91. Putain. Ouais, ouais. On les baise Narchetan. Putain, mon 91. Grosse dédicace à vous. C'est grâce à vous qu'on est là, mon frère. C'est grâce à vous. Ouais, ouais, ouais. Charo dans la zone. Niwood, Beta. C'est la famille, ça bouge pas. Voilà. Charo Life le 2 octobre. Allez le chercher, on va vous chercher chez vos mères. Trop déterminés, nous. Ouais. Corrosif de la baie. Nigraï. Bye bye, bye. Bop. Fuck. Bye. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Bye bye bye, on enchaîne. Un des trois, gros big up. Gros big up à vous, on est là, le réseau. Le réseau, le réseau. Ouais, ouais, ouais, pyramide. Ouais, ouais, ouais, EVR et grec. Ouais, le réseau. Ouais, question foirée. Wesh, Dez, c'est comment là? Hein, on est sur Sky, hein? Les pyramides sur Sky. Évrier dans la maison, mon frère, ça bouge pas. Le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. Bye bye, bye. Le réseau. Ouais. Le réseau, le réseau, le réseau. Ouais, ouais. Ouais, Scarfazo, c'est comment là? Le réseau, le réseau, le réseau. Ouais, Eliaszo. Bye Falzo, enculézo. La drogue, la drogue. La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le. Bye bye, bye. Les folles, les folles, ouais, t'en as pas si t'as pas le. Non, t'en as pas. Les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau, le réseau. Ouais. La clientèle, on la fidélise. Le charbonneur est en retard, on verbalise. Oui, on vient d'ouvrir, c'est pas encore un four. J'suis dans le micro, ne brouille les ondes. Bum, bum. Ton pétasse, tu veux des j'aime sur Instagram. Fais des pas se gratter sur quelques grammes. Ouais. Fumer ta bonne ou de prendre la dame. Ok. J'ai un escafé qui me prend son contact. Tellement hardcore, j'ai pas peur son visage. Une main sur le dos, je tire sur le visage. Parole d'escroc, si tu me donnes ton deux coins, je serai généreux. Le jour du partage. Lucas Hortel, faut pas qu'il me localise. Ou il change de tête, faut pas qu'il m'analyse. La drogue, ouais. La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. T'en as pas, mon frère. Les folles, ouais. Les folles, ouais, t'en as pas si OGC, t'as pas. OGC, la famille, on est là ou quoi? Les sommes, ouais. Les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Ouais. Le réseau, le réseau. Ouais, la N2G, c'est comment là? Hein? 9000 ouais. C'est comme ça qu'on. Mimco! Surtout pas être élu. Je veux pas faire partie d'élite. Si la volaille squatte la nezo. Ouais. On va brouiller le réseau. Ok. Faites la repreuve si tu veux ta zoto. Ouais. De la bonne zeb, j'ai lâché le. Ouais, Joe, enfoiré. C'est terminé. High death, on va les exterminer. J'suis venu en paix. J'prépare la guerre, je fume le calumet. Revenu. Ouais, mon gars, Mero, deux fois, Mero. Ouais, c'est comment? Étendre mon empire jusqu'à terre inconnue. Il me faut du. Ouais, Mamco. Babson, Babson. Trop gentil, donc dorénavant, je serai strict. Bye. Si t'as pas le réseau, c'est normal qu'on te les mise. Ouais, ouais, ouais. On se voit sur prochain tarot, c'est parti remise. La ok. Drogue, ouais. La drogue, hein? La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau, les folles. Ouais. Les folles, ouais. Les folles, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau, les sommes. Les sommes. Ouais. Les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Ouais. Le réseau, le réseau. Ouais. Le réseau, le réseau. Bye, bye. Bye. Résonne. Ouais. Mon petit téléphone résonne. Hein? Un appel et je fais une somme. Ouais. Un appel et je fais une somme. Ok. Mon petit téléphone résonne. Résonne. Mon petit téléphone résonne. Résonne. Un appel et je fais une somme. Ouais. Un appel et je fais une somme. Ok. Change de puce comme de pute. Hein? Je vais atteindre mon but. Ouais. Change de puce comme de pute. Change, je vais atteindre mon but. Mon petit téléphone résonne. Un appel et je fais une somme. Mon petit téléphone résonne. Un appel et je fais une somme. La drogue. La drogue, ouais. La drogue, ouais, t'en as pas si t'as pas le non, réseau. Non, jamais. Les folles, jamais. Les folles, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Les jamais, jamais, les jamais. Sommes, les sommes, ouais, t'en as pas si t'as pas le réseau. Le réseau, le réseau. Le réseau, le réseau. Le réseau, le réseau. Le réseau, le réseau. 100% rap français. 100% explicite. Ouais, ouais, ouais, on continue. Au parc Olièvre. Avec ma famille. Mafia Spartiate. Ouais, les gars. Oui, mon négro. Ouais, Talsim. Ouais, Bella. Ouais, Scrofezer. C'est comment? Ouais, RD. On est là ou quoi? Family Gassama, on est là, mon pote. Ouais. Pas parle-moi d'oser, sinon je comprends pas. Bye, bye, bye. J'explique grave des stupides si je n'en prends pas. Garantie, je suis fait réformer au village. Réformer au village. Là, un boisseau qui m'a surrelève. Ok. Pour le rater tous les jours. Tous les, tous les. Quoi? La journée je te dis bonjour, hein. Le soir chez toi je trouve mon bonheur. Bonheur des bonheurs. Je me régale trop, hein. Je sais que mon corps après je les recueille. Okay. Je vois des billets, hein. Je ouais. Regarde, ouais. Je suis, hein. Je suis guiné à Sénégal. Galé, galé, galé, galé, galé. La balle dans ton trou comme LeBron James. Ouais, ouais, ouais, ouais. Des terres comme mon gava, le bronzé. Ouais, ouais, les bronzés. Après les meufs font ses courses et pas les cœurs. Bye, bye, bye. Bonne calée entre les couilles. Gros dédicace à Lino, mon frère. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Lino, on est là. On dirait de Fleury Mérogis, mon frère. On est là. Marco Liev, ça bouge pas. Pétasse, pétasse, faut que tu prennes la fuite. Hey, on a scar, on a scar. On est dans la zone. Shoot, power, shoot, power, shoot, power. LeBron James. Shoot, power, shoot, power, shoot. LeBron James. Trois points, LeBron James. Hey, LeBron James. Ouais, LeBron James. Tu n'as pas de couille, tu n'as vrai. Ouais, je suis la vraie. Le truc, c'est qu'en fait, tu rappes comme si t'en avais. Ben voilà, ouais, voilà, ouais, ouais. L'âme blanchée dans ma veste. Ouais, dans ma veste. Il avoue, Lisa, Lien, donc qui s'est fait la veste. Bye, bye, bye. Bonjour, madame la juge. Madame la juge. Ce fils de pute méritait ce coup de crosse dans la joue. Bye, ouais, dans la joue. Bye, bye, bye, bye. L'équipe est là et vendue jaune. Vendue jaune. J'ai pas rien de traite, c'est ceux qui faisaient les shows. Bye, bye, bye. MS, on s'en bat les couilles. Les couilles, les couilles. Massa, amené, ouais. On s'en bat les couilles. Ah, tiens. Il y a Katif dans ton plafond. Ok. J'ai su sur le coup. Aïe, la paix, oui. T'as été la vie. T'as été tombé sur le coup. Bye, bye, bye. Mafia spartiate, mafia spartiate. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Voilà, ouais. Pétasse, pétasse, pétasse, pétasse. La résine, elle est spéciale. Elle est spéciale. Donc ton client est obligé de la presser. Et de la presser, enfoiré, enfoiré. Quand on t'en, on n'est pas pressé. Ouais. Ouais. Charge le pétard et dis scarre, lâche la la pression. La pression des pressions, foiré, bye. Jusqu'à ces jours, mais la pression. Bye. Je veux des billets ronds comme le crâne à tresson. Tresson, tresson, tresson, tresson. T'as pas les dents ton corps. Switch, switch, switch. Mais à bien ce MSG, tiens, tu connais la suite. Suite, suite, suite. Pédasse, pédasse, faut que tu prennes la fuite. Fuite, fuite. Pas collaborer, mais qu'il est pour la suite. Shoot, 3 points, shoot, 3 points, shoot. LeBron James. 3 points, shoot. Et LeBron James, LeBron James, 3 points, LeBron James, LeBron James. Et 3 points, LeBron James, bye bye. 3 points, LeBron James. Ouais, LeBron James, wesh, wesh. Grosse dédicace à ma ville, on est là, Evry. Grosse dédicace à mon Charlie Delta, MOG. C'est comment? Hein? Vous êtes là ou quoi? Bye bye, bye, on est là. C'est la nocturne 100% rap français avec Niska au contrôle à l'instant. Un petit mot sur les morceaux qu'on vient de passer, Niska. Ouais, ça c'est des petits morceaux qui me tenaient à cœur, tu vois. Parce que c'est des prochains mois qui sont en train d'arriver dans la musique, tu vois, et pour leur donner une petite force, tu vois. Donc j'ai décidé de jouer ces sons-là sur la nocturne. Voilà, pour mettre un petit coup de projecteur. Voilà. Ça va être aussi une des missions, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi là, et il y a le projet qui arrive le 2 octobre. Ouais. Il y a aussi beaucoup de gens derrière, Niska. Bah ouais. Tu veux essayer de pousser? Ouais. Essayer de pousser beaucoup de gens? Non, toi. Ouais, pas essayer de pousser beaucoup de gens, mais essayer de pousser ceux qui le méritent. Tu vois. Ouais. Bah comme c'était le cas à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Exactement. Niska avec nous, le projet qui sort le 2 octobre, il est déjà en précommande, il marche fort déjà. Et on vous l'a dit tout à l'heure, c'est moins de 8 euros. Ouais, ouais, ouais. Avant que ce soit un petit peu plus cher de la sortie. Voilà. Donc profitez-en dès maintenant, allez le précommander. C'est les soldes, faut faire les soldes. Faut faire les soldes et il y a des morceaux qui arrivent au fur et à mesure. Donc, ouais, exactement. Trop fait. Niska, est-ce qu'on ferait pas un peu de live maintenant? Ouais, pourquoi pas. Ça c'est un titre dont le clip est arrivé aujourd'hui. Ouais, le clip est sorti tout à l'heure. C'est l'un de mes morceaux préférés de la mixtape, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un morceau qui me tient à cœur, celui-là. Tu vois. Il s'appelle Ochoa. On y va? Ouais, on est parti. C'est parti en live. Bye bye, bye. En direct de la nocturne, Ochoa. Bye bye bye bye bye bye. Back to the future. La jalousie, ouais. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif, hein. Bye bye bye. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les paires de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon bled qui m'appelle Brazzaville. Toi tu penses que ici ça bibi juste pour se vanter. On n'est pas gangster, nous charogna. Qui peut te planter, qui peut te plomber. Sa vie tous les jours. Baby, tous les jours. Les mecs d'à côté font les fous. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four? Bye bye bye. Mais où sont les verges? Que des sagittaires. NS, négro, jeep, comme Martin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commencez à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charros écroués, avenue des peupliers. Et quand je dors la nuit, je combats les démons de mes ennemis. Il est minuit et demi, et j'ai mal à la vie. Second couplet, je découpe. Tu veux le bénef, tu la coupes. Ego, tu payes si tu touches. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Zetla. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple et monde entier. Mon meilleur ami c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. Je vais investir dans la repied. Bye bye bang. J'fume ma OG couche. J'compte mes liasses pendant sa Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture. Pourtant elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore. Il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais? Que des quiproquos. Si je pète le million, Nakoti Namboka. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commencez à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charros écroués, avenue des Peupliers. Et quand je dors la nuit, je combats les démons de mes ennemis. Il est minuit et demi et j'ai mal à la vie. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Charo Life, le 2 octobre. Bye bye, bye. Aïe, grosse dédicace à tous mes proches, à ma famille, à mes amis, ouais, tous les vrais qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui. On est ensemble. À l'instant, en live, le morceau Ochoa. Et ouais, le clip est dispo, hein, ça y est, on peut le trouver le clip. Ouais, on peut retrouver le clip directement sur ma chaîne Vevo. Allez cliquer pour Niska, qui est là encore, elle a une petite trentaine de minutes, encore une sélection de sons. On repart sur des morceaux. On pourrait peut-être mettre le gros bonnet quand même, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en ouais. penses? Ouais, on va mettre du gros bonnet. Du gros bonnet avant de repartir sur une autre sélection. C'est Niska au contrôle, la nocturne, 100% rap français. Et vos messages aussi avec le hashtag Skyrox, le hashtag la nocturne. Ouais. Ça arrive dans le studio. Hey, oui. Hey, ma gueule. Hey, bif, bif. Allez, hey, dis-le, on va les baiser. Ouais, bif, Charlie bif. Delta. Hey, ok. Ouais. Hey, j'ai pas pris des coupables. Non. J'ai pas pris des coupables. Ouais. Je suis tellement de spé qui m'invente même des histoires de Karachika. De Karachika, tu veux être ma femme. Ouais, fais logo si on allez, est là. Allez, Lugokuna. Ouais. Quand tu prends de la chatte et tu veux que je t'offre l'Italien Pika. L'Italien Pika. Ouais, mon gars, tu me tues, c'est comment là? On contrôle la maison ou quoi ce soir? Le sang comme un boucher. On dirait que la nocturne ça bouge pas. Charlie Delta c'est Chicago. Charlie Delta c'est Chicago. Chez nous on paye quoi? Tana Malaki en ville la cagoule. Malaki en hype, gros dédicace à toi mon frère. Garde la pêche, tonneuse. On est là. Même des magasins. Bendo na bendo. 91 c'est les Angeles. La PMG, ma forteresse. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. On les hey, c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile. Si sa femme est stérile et sa pute est féconde. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Ouais. J'traîne avec gros bonnet. Ouais, ouais, ouais. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igor. Ben non. J'suis venu, j'ai vu, j'ai trop que le game quand Bernard m'adore. J'traîne avec gros bonnet. Ouais, les frères de la place. J'traîne avec gros bonnet. On est là ou quoi? J'traîne avec gros bonnet. Ouais, moi j'ai. J'traîne ouais, avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui ouais, a des famas, des galages d'Igor. Ouais mon gars, c'est doux, c'est comment? Ilias La Plaza. J'ai ton grené par le chat. Mon rêve c'était d'être footballeur, mais j'ai fini marchant de sable. On dirait que le Sky, je suis type. Et ça depuis bac à sable. Ouais, pour tous mes frères, 91, Massi, Atis. Ouais, Atis Mons, Macrinox, on dit quoi mon frère? Ouais, falso, ça bouge pas. La rocade, mon jumeau, ouais, ouais. 91, ouais, c'est nous les bolus. Ouais, frère aux Ulysse, 10 cm, c'est comment? La violence en connaît, mais ça fait du genre. 91, ouais, c'est nous les bolus. Ouais, mon gars, Elina, c'est comment? On contrôle la neuse ou quoi? La violence en connaît, mais ça fait du placard. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi, t'as parlé sur le ouais, mon gars, Cremosa. Corbeil-Essonne, on est là, mon frère. C'est pour ça bouge pas. C'est quoi le comble? Imbécile. Si ta femme est stérile, ça pue tes fécondes. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Ouais, ouais, ouais, Corbeil Essonne. Ouais, mental, c'est comment là? Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igor. J'suis venu, j'ai vu, j'ai trop que le game quand Bernard m'adore. Ouais, ouais, j'traîne ouais, ouais, ouais, Evry. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Ouais, Ibra, c'est comment? Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galages d'Igor. J'suis venu, j'ai vu, j'ai trop que le game quand Bernard m'adore. Ouais, mon gars Kaoji, c'est comment là? Hein? Gros bonnet, gros bonnet. Tout le 91. Tout le 91 est concerné par ce morceau. Ouais, on est là. Traîne avec gros bonnet. Gros dédicace à mon frère au Trafic NT. On contrôle la neuse, on est là. C'est la famille. Chica Gang. Opération Vigipirate. Killer track, mec. Bye bye, bye. Bye bye, bye. Chicago. Bye Bye bye, bye. Blah. Blah. Chica. Chica. Chica. Chica. Bing, bing, bing, bing. Ouais. Bing, bing, bing. Ouais. Blah. Connexion, connexion, connexion, la B. On est connecté, mon frère. On est là, sur Skyrock. Trafic, trafic, trafic, trafic, deux, deux. Opération vigile pirate, ouais, ouais. Opération vigile pirate, bye bye, bye. Opération vigile pirate, bye bye. Opération vigile pirate, Chica gang. Ça tombe bien, pour un mois septembre, hein. Opération vigile pirate. Pétasse whisky dans la bouche, obligé que ça quête. Y'a pas de super héros ici, on a raté le super, super man. Pourquoi le ghetto est dur en plus d'immigrés africains? Opération vigile pirate, un calage à la main. Prends même pas la tête, charbonne pour toucher le gain. Vivre en paix comme un païen. Oh Dieu, tu prends païen, je veux de l'argent comme ton rabbin. Tous mes rivaux vont me craindre, ouais. Je rate, tout va bien, ouais. Un, deux, trois, y'a plus personne. Quand ça sort, le machin. Founès, ça. On recrute sur le terrain. Bendant, j'suis trop loin. Comme le Paris Saint-Germain. Tous mes rivaux vont me craindre, quand je rappe, tout va bien. Ouais, grosse force à mon gars Trafic, ça arrive lourd. Young Deep Nigga. Bendor, je suis trop loin. Le Paris Saint-Germain. Opération vigile pirate. Opération vigile pirate. Opération vigile pirate. Vigile pirate. Opération vigile pirate. Vigile pirate. Opération vigile pirate. Vigile pirate. Vigile, vigile, vigile. Connexion là, mais connexion, on est là. Ouais, Scarpe, Biggie, c'est comment là? Tu contrôles la neuzo ou quoi? Foiré de négro, va. Bye bye, bye. Ouais, les enfants qui sont à la place, j'espère que vous contrôlez la neuzo, les gars. Ouais, ouais. On est ensemble, mon frère, ça bouge pas. Grosse dédicace à tous les frères du 91. Tous les frères de l'Île-de-France, toutes les frères de la France entière, de toutes les provinces, mon frère. Marseille, Lyon, Lille, Tours, Bordeaux, Toulouse, Limoges, on est là, mon frère, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Pendoka Bendo. Du Charlie Delta, mon frère, dédicace à mes frères Scarpe, la B, Trafic NT, on est là, ça bouge pas. Ouais. On baisse pas notre fuite. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pour les frères du bois sauvage, mon frère, ça bouge pas, ça bouge pas. Impossible que ça bouge, mes frères des honnêtes, ouais, Jeff, c'est comment là, oh. Hein, mon frère Alou, ouais, mon frère Moji, c'est comment, vous êtes là ou quoi? Hein, Malakai, enfoiré, c'est comment? Ouais, ouais, ouais. J'sors du zoo, ouais, j't'assure, j'veux tout railler. J'veux tout railler. J'traîne avec Bibo de ma BMG. Bye bye bye. L'esprit sort pas du bédo, mais de la neuzo. De la neuzo. Allez sur FB, likez la page Trafic NT. Hey, Trafic NT. Est-ce ma brigada, brigada Trafic NT. Ouais, Trafic NT. Y'a pas qu'un seul de moi, j'suis libé. Ils veulent encore me convoquer. Un pour eux, ok. Quand t'écouteras ce son, j'aurais peut-être enchaîné. Peut-être. Y'a tous mes petits et mes deux petits refrains, ce son là, j'vais le clipper. Mon gars, Sifu, Goro, j'ai pas trahi la pêche. Y'a que les SS qui restent en 11 motos, c'est eux qui trahent. Ouais, ouais, gros dédicace, on est là. SBA, Pyramide, ça bouge pas, mon frère. Ouais, ouais, ouais. Mon gars, Bi, c'est comment, mon frère? Bi. Depuis petit peu, j'ai voulu mieux. Oui. Charbon, bagarre, j'ai toujours fait les deux. Gauche, droite, gauche, gauche. Fais pas le nerveux, tu bombes les pecs. Quand y'a le peu, compte, t'es trop calme. T'en vas coucher le baveux. J'monte une équipe de dalleux. L'op, sous ta top, ma gueule, tu passeras vite, fais pas ça bleu. Pow, pow, pow, pow. Zini, c'est Chicago, y'a pas de super héros ici. C'est. On te fume comme une garo, donc tiens-toi à carreau. La vie m'a pas fait de cadeau. Tolos, viens prendre ton bédo. Listo, tu veux mon Zéyo. Squad, squad, squad. Parole de Trafic. Comme des gars, on baisse pas notre flûte. Les charbons n'achètent pas de vue. Non, non, ça c'est pour les putes. Ouais, ouais, ouais. Dédicace à tous mes Jeep négro, Jeep négro, Jeep négro des banlieues. 9-3, on est là, 9-2, ça bouge pas mon frère. 9-4, 9-5, on est là mon frère, 7-5, Paname. Pour tous mes Jeep négro de Paname, les Jeep négro de Barbès. Gros big up à XV Barbar, on est là, ça bouge pas mon frère. Zifu Koro de la baie mon frère. Ouais ouais, 7-8, hein. J'suis pas un fan. Bye, tous mes gars de 7-7, mes frères, mes gars de Combe la ville. Boxon, Habs, grosse dédicace. Jigzy, c'est comment mon frère? Malik, dites-moi, wesh, oh. J'fais pas un petit détail, la cardiaque Chirac, on va cardia de la France. Bendo Kabendo, c'est Brigitte la bête qui fait con de la su. Bendo Kabendo, j'suis dans un bon bien, le bénéfice faut que je prends. J'aime quand mon corps s'approche au ralenti, j'suis dans un ralenti. Franchise Bandotti, panique ou ta tête d'affiche. J'suis pas à l'aise, j'prends pas de filet au fiche. Charo, Delta, Charo, Bactou, Rapsa, Renoir, Paro. Batte la B, cherche pas photo, où ça ta rose, où ça ta rose. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cherche pas photo, où ça ta rose, où ça ta rose, où ça ta rose. Cherche pas photo, où ça ta rose. Cherche pas photo, où ça ta rose. Des biches, des biches, des claques. La pepe d'ici t'éclate, des boules en pagaille. Ouais, des batailles, je suis rentré, y'a les bleus, faut que je t'avale. Faut faire de la maille, maille, ouais, pour la mama. Ça, ça c'est pas mal, même si j'y détaille. Tu fumes de la caille, connard. Passe au quartier par ici, ça agade. C'est la M et la B, si tu tapes dans la C, c'est sûr qu'on se connaît pas. Y'a mes boucles de la M, toujours posé au check, c'est sûr que ça bouge pas. C'est la M et la B, si ouais, tu ouais, ouais. C'est sûr les frères à Boboche, mon frère, ça bouge pas. J'ai le cas. Ouais, c'est comment du on est énervé ce soir, ouais ouais ouais. Des années. Tous mes types rebeux des provinces qui soutiennent comme jamais mon frère. Ouais. On est là. On n'est pas fatigué. Non, jamais. Voilà. T'es sûr? Non, on n'est pas fatigué. Tu tiens encore un petit peu? Ouais, même beaucoup même, on est là. Généralement, le vendredi soir, c'est quoi? C'est studio, Niska? C'est à la maison? C'est... Ouais, vendredi soir, bah ouais, ça dépend. Non, moi je suis pas trop sorti. Toi t'es pas trop sorti? Non, même je préfère même aller au studio, tu vois, que de sortir ou je sais pas quoi. Ça dépend en fait, ça dépend. Mais souvent c'est showcase. Bon, souvent. Ouais. D'ailleurs, soir, t'as, showcase, t'as ouais. Quelques dates à filer là? On peut te retrouver quelque part dans les semaines qui viennent ou pas? Si t'as ça en tête. Les semaines qui viennent, franchement, je les ai pas en tête, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le 5 novembre, on est à la Cigale à Paris. Mmh. Et j'espère que ce sera rempli comme Jaja. Et voilà. Donc 5 novembre à la Cigale, d'ici là, il y aura un mois auparavant l'album qui sera sorti. Le projet, le 2 octobre de Niska, qui est déjà en précommande. On peut y aller, on peut aller cliquer. Avant de se quitter, on va finir avec une dernière sélection de sons. On repart sur du Gradur. Ouais, gros dédicace à mon frère Gras. On est là, le Gras. Vas-y, envoie-moi du Gradur. Gradur. Bye bye, en léger. C'est en léger. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice, qu'il faut pas tout déclarer. Ouais. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. Ouais, le Gras, mon frère, 5-9, on est là. Chez des squats, c'est comment là? Ouais, Caïbs. Ouais, c'est comment là? Et je mets la trappe de côté, le temps. Ouais, Nida. Ouais, c'est comment? Ça bouge pas ou quoi, mon gars? Ibrahim, no brown. Je me barre sur la côte. Je me rappelle quand j'avais même pas de quoi pouvoir payer une clope. Dieu merci, tout a changé. Ouais, Jean Joachim, champi kilo. C'est comment, mon frère? C'est l'air pied au plancher. Les ennemis me guettent du coin. Ça blablate comme des chouins. L'école des disques d'or, oui, comme Ayam, demain c'est loin. Et je remercie mes fans. Quand je partirai, le jour de mon enterrement, une larme à l'œil comme Gucci Mane. J'ai perdu beaucoup de poteaux, mais je dirai pas leur nom. La vie n'est pas un film, poteau, je suis pas Alain Delon. Et quand les impôts tombent, comme des feuilles en automne, la main sur le cœur, comme l'abbé Pierre, je faisais l'aumône. Et plus je réussis, et ça sent le roussi. À chaque échec sentimental, mon cœur s'endurcit. Une pensée pour la maman, car elle fait battre mon cœur. La seule qui peut m'apaiser, me faire oublier ses rancœurs. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Jamais. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté est une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté est une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai rêvé que j'étais riche et je comptais plus mes billets. Dans un futur tellement loin. matin et mon passé me fuyait. Millions de pieds répandus dans les bas de Beltis, mais sous mes draps. Et je connais plus la quitter, rien que je la voyais dans mes bras. Je t'ai boulé sur la côte, oui, l'avenir était notre. Je l'ai levé à la mort, on était bien comme sur un yacht. L'amour, une peinture qui nous fait changer de décor. Le sexe nous rend bestial, on se faisait l'amour comme des porcs. Je me rappelle deux ans passés, je les voyais se moquer. Mon succès les a gazés, je les vois tous suffoqués. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Rodriguez et Guita, s'il pour moi c'est comme une satire. Petit polo, flow, ceinture Versace. Et mon avenir s'embellit loin du Trikaki. La vie est belle, je suis un jet-ski. J'ai plus temps pour la bagarre, je l'ai laissé à Jet Li. Et je donne ma langue au chat comme Cuny, chienne en Fury. Je rêve de l'or mais pas le bronze, demande à Stéphane Curry. Huit poteaux, la mixtape arrive, elle arrive. Che Guevara, bientôt dans les bacs, mon frère. Che Guevara 2, comme Cuny, le 2 en Fury. Je rêve de l'or mais pas le bronze, demande à Stéphane Curry. Le 2 il est encore plus, tout simplement. Elle arrive, ils vont la sniffer comme la blanche, elle restera dans les narines. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout a foiré. Les sentiments c'est comme le fisc, il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'un morceau. C'est comme le fils qu'il faut pas tout déclarer. Jamais. Je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi c'est comme une satire. La vie est belle, je suis sur un jet ski. J'ai plus le temps pour la bagarre, je l'ai laissé à Jet Li. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi c'est comme une satire. La vie est belle, je suis sur un planète rap. 100% Oui, on est encore là, grosse force à mon gars Gradure et au Chege Squad. Ça bouge pas. Là, on est là. Kajak Chirac. Grosse dédicace à XV Barbare, c'est la famille, ça bouge pas. 7-5, mon frère. Ouais, Port Saint-Ouen. Hein? Énervé comme Jaja. Kajak Chirac, Kajak Chirac. Ouais, mon gars Cheb, c'est comment? Ouais, Black D, c'est comment? Ouais, pisse pas. C'est bon, on leur envoie le morceau ou quoi? Hein? Ok, jeune Renoir sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Le canon frotte mon pénis. Le vendredi, je suis en camis. J'suis dans le bloc avec mes négros. On va pas faire de détails, viens on parle en gros. Pas mes amigos, que pas ça amigo. Les soins je laisse. Charlie Delta c'est Chicago. L'État, on vole ta caisse cardiaque Chirac. Mon fusil à couche, c'est pas le Congo, le Slovaque. Hey, Congo, le Slovaque. J'ai un flot de baiser, c'est mon côté nafoman. J'aime les maillets, mon côté nafouman. C'est Black Day au mic, j'ai le pas de make-up. J'suis sur le raté, c'est sûr que j'suis le buteur. La substance que j't'ai refait, les films, c'est la meilleure. C'est comme Michael Jackson, moi je suis dans un thriller. Je coupe la brique comme un druide, silencieux je fais pas de bruit. Ta bille grave même sous la puce, ces bâtards n'ont pas de preuve à la pluie. La pièce que je préfère dans une baraque, c'est sûr que c'est la zine cuite. Tu t'es perdu dans mon triangle, mon gava ouais t'es mort, t'es cuit. La siroque, j'y vais, arrive dans mon estomac, ça me brûle. Là c'est beau, je suis prêt, j'y vais, mon gava bébé défait le but. Je suis Charles, là me hasard, nettoie avec du papier cul. Comment on se retrouve, piti, vas-y, presse-moi ton fut. Ça pipi la journée, posé sur le raté, il me faut des lovés. Il me faut des lovés. T'as noté le bout d'un Gucci, oh comme je suis posé. Coupon, 9000, t'as pris ta crevé. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, oh comme je suis posé. Ouais. XV, barbare, négro, type. Garda que Chirac, garda que Chirac. Déclare forfait, anti-cible. Garda que Chirac. Kajak Chirac, Kajak Chirac. Kajak Chirac, Kajak Chirac. Kajak Chirac, Chirac, Chirac. Dès le matin, deux trois losbos qui m'attendent. Appel en jazz et les parents latins. La fou, je atteins, toujours être sur la porte avec quelques catins. Je baisse qui ça c'est mon blatt d'hiver. Je rouge pour PH31 dans soir. Bien trop charron pour avoir le salaire d'un buteur. Dans la part, libérez les rues. Mais quel bon des pyramides, on est là mon frère, ça bouge pas. J'suis dans la blonde, je roule en blague. Ce soir j'suis dans les ouais. Demande à peu, ça envoie la ouais. T'as c'est plein un peu, t'as niqué ton bénef. Moi je passe la beuh, toi tu tapes dans la haine. XV Barbare et Canis, pas concurrence, t'es déjà au courant. Plus d'un négro et d'averti, je fais tourner le business, tout est dans le mouvement. Bessati, Bessati, Bessati. La chauffour, la retour et la J. Tu t'es fait tes sons, tu sais même pas qui. Y'a de la repu, du gueucra, du paqui. Paqui, des paquis. Ça débouche, ça décharge, ça détaille. Pas besoin d'genre plus de détails. Bang. Une bécane, une cagoule. disque, faut qu'on maille. Le pilon, la fesse, c'est la weed. On est là, ça bouge pas. Faut qu'on maille. Fais chez Charo dans la zone, pour bien dans le corner. Paniquer ta grand-mère. Veux péter le bénéfice de bénéfice. Des stands de billets verts. Tibour City, c'est la famille, on est là. De quoi arrondir, le père et la mère. J'ai braqué, j'ai volé, j'ai dit crime partner, Lander. De temps en temps, je me mets à prier. On est là, mon frère. Je ne veux pas brûler. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ma drague, c'est faire la bagarre. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ma drague, biscuit le placard. Bye bye, bye. Ça fait plus la journée, posé sur le raté. Il me faut des lovés. Ça nous dit loup pour ta Gucci. Ouais, j'suis papa, c'était le cas. Ouais, t'es là ou quoi? Le fou, 9 et 1000, tape ta pluie, t'as crevé. Manozo. Ramène des Tiaga, des Anna Montana. Aucun, j'suis posé. Islé, barbare, négro, type. Cardin que Chirac, cardin que Chirac. Déclare forfait, anticipe. Cardin que Chirac. Kajak Chirac, Kajak Chirac. Kardak Chirac, Kardak Chirac. Kajak Chirac, Chirac, Chirac. Big homie, Big du sort du labo. Acharo, Acharo, lève la main si t'as Acharo, une charonne. Une charonne des charonnes. Tu ramasses tes sous, tu casses sur la gauche et tu pécho des darons. Pécho des darons. Les gens et tu connais. Aïe. Personne ne rentre comme en Corée. Aïe. Tapis la farine, viscère en l'os, les vitamines. Bouteille à la main, c'est parti. Charonne, Biggie, j'mène mon transit. Pédé de la ch'teque. Claquer des fesses, comme si tu dansais du tacle. Chante du tanque, pas colombienne. J'suis dans le game, des gamins sont choqués. Serre la poubelle, fais-moi la chaîne. Montre mes pecs, fais de la gymnastique. Armée soviétique, coup de ramistique. Tibili, t'as la ramine, les tchaga, la patisse sangana. J'suis dans une ganda, j'suis rebou, bitch. Bélec, à pas de faire maillot. Tu es un fagnon, pour toi, moi, j'suis feignant. Pispa, pispa, pispa, pispa. Et j'suis trop feignant, grâce à j'ai te descend. Plus le temps passe, plus je vois des choses à travers les saisons. Des kilos, des grammes, des deals et des drames qui se font à la commande. Posé dans le square, c'est des bras qui te scapent le bras. Pour ton cas là, mitraille dans le noir. Que ça, certainement je pourrais dire que j'ai rien vu. J'ai donné tant d'espoir à des barbares qui de barbares en barbares vont suivre. Je coque la brique tellement vite qu'on me suit. Tellement vite qu'on me suit. Quand je passe du passage, j'envoie quelques personnes pour ramasser les douilles. Je chasse avec la CIA, salive qui patrouille en patrouille. Je suis dangereux, au comico, nerveux comme mon casino. T'as des poteaux, j'ai des épaules, je la vole et je vous dis même pas adios. Bye. Ça pue plus la journée, posé sur le raté, il faut des lovés. Je vais faire une big dédicace, big dédicace à mon gars Squall, Squall qui s'occupe de la marque Charo. Et à mon gars Ryan, Ryan qui est sur tous mes réseaux et qui est là, qui charbonne lourd. Gros dédicace à vous les gars. Gros bisous. Déclare forfait, anticipe. Kardak Chirac. Kardak Chirac, Kardak Chirac. Kardak Chirac, Kardak Chirac. Kardak Chirac, Chirac, Chirac. Ouais, ouais, ouais, Fly Emirat. Ouais, Marlo, c'est comment? On est là ou quoi, mon frère? Ouais, Ibra, ouais, Linas. T'es lourd le clip, hein. C'était un bon moment, sa mère. Ouais, William Thomas, enfoiré. Des fourrailleurs. Des fourrailleurs. Des fourrailleurs. Hey. Moi, j'ai des colleurs, je ne vois plus les autres. Mon téléphone est hors de réseau. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez les points. Gâtez, gâtez le coin. Tapez les points. Gâtez, gâtez le coin. Tapez les points. Gâtez, gâtez le coin. Tapez les points. Gâtez, gâtez le coin. Elles peuvent tout dire, je me prends pour Hitch. Me prends pour Hitch. J'suis dans la ville, je fais du shit. Les keufs me pissent. Oui. Imbécile, j'ai plus de fil. Harina, that's your bitch. Why? Harina, Harina, Harina. Bye bye. Hey, le shit, je le vois plus. Mais j'ai plus de sous que ton 6 gros. Maman, ne pleure plus. Corrosif, il fait des euros. Je décolle. perso. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez les points, gâtez, gâtez le coin. You bitch. Tapez les points, gâtez, gâtez le coin. How did I touch you bitch. Tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Ouais. Tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Ouais. Serrez les points, levez les points. Ouais. Gros dédicace à tout mon Afrique, le Sénégal, le Congo, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Gabon, hein, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, hein. Ouais, tous mes Africains, est là, mon frère. Bye bye. Somalie, Éthiopie, tout ce que tu veux, mon frère. Afrique du Sud, on est là. Burkina Faso, mon frère. Même le Togo, le Bénin, on est là, mon frère. Ça bouge pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Timal, c'est comment là? 971, 972, 973, 974. Qu'à contrôler les zones comme jamais, mon frère. Ouais, on est sur Skyrock avec tous mes Timal. Gros big up à tous mes Timal que j'ai laissé en Martinique. Sam, Sadok, Petit Prince, on est là, mon frère. Putain, on est connecté comme jamais. Les bougs en moins, ouais. Putain. Ouais. Bougs en moins, pas grillé. Un gars grillé dans mon cendrier. On va te nettoyer. Si tu veux briller, fils d'ouvrier. Des vacances sur mon calendrier. Vive l'argent, la monnaie. Cocaïne dans mon sablier. J'suis dans l'avion, j'ai mal aux fesses. Fort de France, c'est pas la hesse. Tu vas le cash, le kilo, c'est. Qui ont pas, tu des mecs, des bas, baisse. Ah non, c'est sérieux. Mes gavas, j'répète, avec mes rap et mes gavas. On a galéré, je merci. Y'a que dans mes grilles que je mets des cravates. Hamdoulah. Babylone, nous qu'a fait la guerre pour chocolat. Ma série ne veut plus qu'on se voit. Car son papa veut la cola. Combien de mes frères devenus tolards? Combien de mes frères sont des sous-lards? Combien d'entre eux sont des salopes? Se cache derrière un foulard. Dorénavant j'y gère. Je chante dans tous les hauts. Sarkozy lui fera mes bacs. François Hollande fera la guitare. Bourg en moins, Cacouille. Gaza en moins, Cacouille. Bourg en moins, Cacouille. Gaza en moins, Cacouille. Bourg en moins, Cacouille. Gaza en moins, Bourg en moins, Cacouille. Gaza en moins, Cacouille. Ma chérie, ma tête clé. Ma chérie, ma tête clé. Clé. Ton cœur ou bien donne-moi la clé. Je vais payer la dot et je vais braquer ton père. On joue au kiné. Oui. Ensuite tu feras le dîner. Quoi? Après j'irai me dandiner. Hein? Dorénavant, je suis hétérogestuel. Bye bye bye. Tous les jours qu'on rentre à des fourrailles. Tapouka, on t'a pas vu en tribunal. Le petit baisse de ta soeur, pour son toi tu fais peur. Hein? Un contrat sur 48 heures. Bouteille dans les fesses, maintenant pourquoi tu pleures? Je vais dépêcher, je suis navré, mon navré, bien navré. On a tenu le pavé enfoiré. Malheureusement, sache que personne nous fait peur. Jamais, jamais. Personne nous fait peur. Oui. Si je sors mon joujou, c'est qui vont flipper. Ok, hein. C'est qui vont flipper. Jamais. Hein, j'étais fini, ferme le coup. Allez, bourg en moins. Gaza en moins. Allez, bourg en moins. Allez, Gaza en moins. Ouais, bourg en moins. Gaza en moins. Allez, bourg en moins. Gaza en moins. Ouais, Cacouille, on est là sur Sky, t'es le feu, contrôle la nezo comme jamais, bye bye bye, ça paie comme jamais, doué comme jamais, on est toujours et jamais en même temps, bye. Bye bye bye. Ouais, Fred. Eh bah c'était une bonne nocturne dis donc. Bah ouais hein. On a bien fini. Tiens d'ailleurs je crois qu'il y a le 974 qui t'attend. Il y a la réunion qui t'attend. Ouais, on était au 972 là, on va au 974 et après le 971. Et pourvu qu'on soit aussi 973, comme ça on aura tout fait. Et puis après tu vas aussi revenir en métropole parce qu'il y a le projet à défendre, c'est le dos. Bien sûr. La bien sortie. Sûr. On a pu découvrir des extraits. Merci pour le live aussi du clip qui est dispo. Hein, Ochoa, qu'on trouve depuis aujourd'hui le clip. Et on va rappeler deux, trois choses avant de conclure la nocturne. Allez. Le concert. Bah oui, le concert. On n'oublie pas, c'est le 4. Vas-y. Hein, ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le 5 novembre. 5. Le 5 novembre à la Cigale. Franchement, il faut que ça soit rempli pour qu'on fasse un show de fou. Donc les places sont dispo dès maintenant, on peut y aller. Ouais, elles sont déjà disponibles, les places. Elles sont déjà là. Et j'espère que ça va suivre. Et ben merci à toi en tout cas. En tout cas, ouais, merci à toi. On t'attend pour la sortie du projet à toi, le 2 octobre. Merci. Voilà. Merci à toi, Niska. Et puis, d'ici là, les réseaux sociaux pour te rejoindre, c'est Niska, c'est simple. Hein, c'est... Ouais, Niska officiel. Niska tiré du bas officiel pour Instagram. Niska tiré du bas officiel pour Twitter. Niska officiel pour Facebook. Et voilà, je pense que c'est dans la boîte. Et ben, merci et à toi. Et n'oubliez pas, Charo Life est disponible en précommande. 7,99€ au lieu de 9,99€ avant le 2 octobre. Donc, empressez-vous de le vite le prendre. Merci okay. à toi, Niska, en tout cas. Voilà, Fred, cool. On est ensemble, mon frère. Skyrock. Et on se retrouve très vite, Niska, sur Skyrock. Y'a pas de problème. Tiens, tu dédicaces les Caïbs, on va repartir avec du son de Caïbs maintenant pour conclure cette nocturne. Allez, vas-y. Ciao. Ciao. Planète Rap. 100% Explicit Lyrics. Caïbs. D-Boy. C-Boy et Gradure dans la nocturne. Ça a sec partout la France pour elle. Fucked up. Monte ton genre, mec. Monte ton genre. Après des cartes. Tenue de la guerre, les bruits des armes d'horlotte. Pas de maladresse. Mon cœur, un vaisseau, y a peu de place à bord. Je suis fucked up sur Rallye. Et mes masses avaient du Rallye. Je ralise, je vais faire un tabac comme les buralistes. Va faire des couilles pour les poser sur la pelota. Je sens comme un gorille qui rafale dans le top. J'ai un peu dans la cheboue. Côté, je tiens plus debout. Caïs, l'attrape est trop douce. Nous tout est carré comme leur manodou. Forcément je suis sur Saturne douce. Me ramener le matos, la voiture est chargée. All black, certes à Saturne. Bibu explosé, derrière mission glacis. Nuage de fumée, je deviens philosophique. Les poumons sont pleins de narcotiques. Assez pour faire crever un asthmatique. Chiqué soit de ma bouquet. Tout ce qu'on voulait c'était se remplir la panse. Tu veux de la drogue, tu veux de la bonne. Fuck top sur Rally, je fais danser la France. J'arrive doucement mais sûrement je suis pas pressé. Plus c'est long, plus c'est bon, je les baisse avec ex. Qui fasse là que chacun aura sa face. Et dans la tri, dans le peurin, dealer, tout est carré. Fuck top sur Rally. Fuck top sur Rally. Fuck top toute la night. Nasta, yeah, yeah, yeah, yeah. Fuck top sur Rally. Fuck top sur Rally. Master, je suis complètement fucked up. Côté chidro dans un féfé vitre fumé comme Shinko. Et elle veut que je lui mette les 5 doigts. On le vrai t'inquiète pas de son sextoy accompagné de 6 balles. La mixtape arrive comme mini caïf. Dis à toutes ces salopes d'arrêter de faire les guides. Arrêtez de faire les guides. Personne ne va voler la place du calife. Savoir est une arme, un bouc après du calibre. Col 45 suivi du sexe 56. Un enfoiré sous une cagoule et un bon. Explicit Lyrics. La nocturne.

enfants aux armes. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Je t'adore, merci. Check. Arrête de croire que les problèmes de couple se résument aux signes astrologiques. Pour casser la routine, on a inventé l'adultère, Simon, c'est logique. On joue tous des rôles, faut que je demande au metteur en scène s'il a le synopsis. Il me faut cette fille, elle me tue cette fille-là. Oh putain, cette fille-là, c'est nocif. J'aime voir tout sourire. Ton sourire me rappelle notre plus belle époque. J'ai promis de changer, de relever la tête, de relever la lunette des chiottes. Fiston, ne pleure pas, papa se casse. L'amour, je te l'ai dit, c'est pas palpable. J'ai fauté, j'ai payé cash, pas par carte. Ouais, j'ai payé cash, pas par carte. Ouais, ouais, ouais, tu sais bien qu'au niveau ta famille, ça va les soulager. Ton frère ne m'aime pas, ta soeur ne m'aime pas. Chacun jour, elle va me soulager. Tu mérites mieux, disent-elles. Rien à foutre, de quoi elles se mêlent toutes. Des femmes ont pétiné mon cœur, c'est pour ça qu'elles ont toutes des semelles rouges. Des semelles rouges. J'ai trop fait le con, j'ai tout mélangé. Tout mélangé. Ange et démon, qu'elle tout mélange. Tout mélange. Trouver l'âme sœur, tout mélangé. Tout mélangé. Ok, je veux bien, mais me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. J'te casse pas les couilles pour rien. J'te casse pas les couilles pour rien. J'ai fait des trucs bien, des trucs moins bien. Mais ça, ça à l'époque me saoule pas. Et quand je décide d'être un mec bien, toi tu bats sur ton prof des Zumba. J'ai été sincère, ouais, sincère. Honnêtement, j'ai pas comment l'être plus. SOS, libido. Et comme on nique plus, on communique plus. Écoute tes copines, ouais, pars-toi. Ton avion, à quelle heure décolle-t-il? Je me coltine, les cris, les pleurs. Oui, j'ai un cœur, mais y'a un code PIN. Et t'es parti, hein, on a pris un sale virage. Et du coup, t'as senti la douille. Pourquoi t'es parti, hein? Reviens Elvira, reviens, j'ai baisé l'andouille. On est stupido, fais les cons. C'est mes pulsions qui m'ont guidé, wesh. Cupido, il a plus la pêche. C'est un SDF qui m'ont dit des flèches. J'ai fouillé dans ton iPhone. Ouais, j'ai douté, ça m'a tué. J'suis pas un matheux, mais j'ai crampé. C'est doublé, sa moitié. Sa moitié. J'ai trop fait le con, j'ai tout mélangé. Tout mélangé. Ange et démon, qu'elle tout mélange. Tout mélange. Trouver l'âme sœur, tout mélange. Tout mélange. Ok, je veux bien, mais me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. Me casse pas les couilles pour rien. J'te casse pas les couilles pour rien. J'te casse pas les couilles pour rien. J'te casse pas les couilles pour rien. Malgré tout ça, ouais, tout ça. Toi t'es là, t'es fort à la gnaque. Mais quand le baveux te passe le salam, là, là, y'a plus de divorce à l'amiable. J'serai jamais vieux, tu le sais, hein. Dans ma tête, j'me suis pas encore calmé. Et puis un mec bien, tu sais, c'est juste un salopard qu'on n'a pas encore cramé. Ce que femme veut, ouais, Dieu le veut. Donc je propose, je n'impose pas. Mon problème, j'suis trop à l'ancienne. Moi, j'écris, je t'aime avec un posca. Face de rageux, tu t'arraches, ben, Inch'Allah, demain tu chialeras. On est une sale race, hey, oublie ton ex, t'auras ton futur. Demande à Ciara. Ouais, je sais, frérot, hein, tu les fais toutes tomber. Y'a des filles qui ne tombent pas en cas d'adultère. Ah, laisse tomber, frérot, y'a des signes qui ne trompent pas. Elle fait le coup du break, hein. Je connais pas beaucoup de coups de vis, mais je connais celui-là. On devait juste prendre du recul, mais tout est faux. Miss Venezuela. Miss Venezuela. J'ai trop fait le con, j'ai tout mélangé. Tout mélangé. Ange et démon, qu'elle tout mélange. Tout mélange. Trouver l'âme sœur, tout mélange. Tout mélange. Ok, je veux bien, mais je t'endors, Nafis. Je t'endors, Nafis. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. La... Dessin, une maison, des crayons, une saison.

décapi des capots. J'ai décapi des capots. Et c'est la fin de la nocturne 100% rap français avec celui qui débarque dès lundi entre 20h et 21h avec son nouveau projet Alonzo, des psychiatres de la rime à pas louper toute la semaine prochaine. Passez une bonne nuit. Fabuleux est arrivé au contrôle, rap R&B en non-stop. Prochaine nocturne dans une semaine. D'ici là, loupez pas le planète rap d'Alonzo. Et bon week-end à vous tous. Ciao. Rap et R&B.